Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Possiamo forse invitare i relatori delle tre prime comunicazioni della mattina a prendere posto intorno al nostro presidente di seduta stamattina, e penso che faremo una pausa dopo il Nilo, una pausa benvenuta per prendere un piccolo caffè. Ok? Dunque, so che Isabella non c'è in questo momento perché è andata a prendere qualcosa, ma torna. Ma Loïc Menanteau e Cécile Vittori, o qualcuno che parla per questo gruppo, se vi volete mettere qui, se vous voulez bien prendre place ici. Buongiorno. Buongiorno, buenos días. Vamos a comenzar la primera sesión. Después de la presentación de ayer del convenio internacional y el ruolo delle vie d'acqua per la circolazione delle merci e degli uomini nelle regioni del delta e delle foci urbanizzate, Guadalquivir, Nilo, Ródano, Tevere. Como ayer comentó la doctora Virluet, hemos organizado un congreso que, por una parte, atiende a cuatro realidades regionales, en tanto que hablamos de la desembocadura de cuatro ríos importantes, pero en segundo lugar también atiende a una ordenación temática. En este caso, la sesión que comenzamos ahora se dedica a i regimi fluviali e devoluzione delle coste degli ambienti riparali. Me gustaría recalcar en esta pequeña introducción, antes de darle la palabra a mis colegas, el hecho de que estamos ante un convenio multidisciplinar, un convenio donde se aborda la temática, la problemática, desde muchas perspectivas del conocimiento, que nos interesa a cada uno de nosotros, pero también fundamentalmente que es un convenio pensado para comparar experiencias y situaciones y transferir de alguna manera a la sociedad que nos afecta a cada cual, ideas, modelos e incluso propuestas en torno a tanto al desarrollo del conocimiento como al desarrollo local y al enfrentamiento hacia los retos que en cada espacio se puedan generar, siempre en relación con estos medios sensibles, ¿no?, de carácter ambiental, donde el patrimonio cultural y el patrimonio natural van de la mano. Sin más dilación, le paso la palabra al doctor Menanteau, que nos va a hablar de la barra de Sanlúcar, es San Francisamón, entre el siglo XVI y XXI. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'École de Rome de m'avoir invité et sa directrice. Bon, je vais commencer cette communication qui concerne donc l'estuaire du Guadalquivir et concrètement la barre de Sanlúcar et son franchissement du XVIe au XXIe siècle. La première diapositive montre la situation géographique du bas Guadalquivir et de la barre de Sanlúcar au sud-ouest de la péninsule ibérique et sur la partie atlantique, puisque le Guadalquivir se jette dans le golfe de Cadix, qui fait partie de l'océan Atlantique, à l'ouest du détroit de Gibraltar. L'embouchure du Guadalquivir est le débouché d'un fleuve, le Guadalquivir, de 657 km de longueur, qui correspond à un bassin versant d'une superficie de 57 380 km², presque en totalité dans la région Andalousie. L'embouchure ne se situe pas au sud de Séville comme il était avant, mais au sud d'une vaste dépression qui s'appelle les Marismas del Guadalquivir, qui était occupée à l'époque antique par une lagune côtière appelée Lagus Digustinus et qui communiquait avec des passes entre des îles barrières. Toutes ces passes se sont réunies entre elles et ont conduit à une création d'une embouchure qui est de plus en plus étroite, qui est plaquée contre Sanlúcar de Barrameda, que vous avez ici, et qui était l'avant-port de Séville pendant la période que nous allons aborder. Alors, l'embouchure de Guadalquivir n'a pas toujours été là. Avant, dans l'Antiquité, il n'y avait aucune embouchure de Guadalquivir à l'endroit où elle se trouve actuellement, puisque c'était une lagune et l'embouchure était beaucoup plus au nord. Et cette embouchure s'est créée à la suite lorsque les passes entre les îles barrières se sont comblées et qui a produit cette dynamique, très forte dynamique, avec la création du cordon d'une aire de Doyana. Et On peut même dire que l'embouchure du Guadalquivir n'existe que depuis le début du Moyen Âge. Alors, avec des études que j'ai faites, c'est par exemple la géochronologie de l'embouchure du Guadalquivir, avec des datations et avec les traces qui existent, des chenaux et tout ça, on peut par exemple déterminer que, vous voyez ici, cette trace correspond à un cours du Guadalquivir au XIe siècle, par exemple, qui débouchait ici. Donc, Sanlúcar de Barrameda, où se trouve la barre, était au sud de cette embouchure, à l'époque. Donc, c'est relativement récemment que ça sait que cette embouchure existe. Alors, là, c'était quelques images qui ont permis d'établir cette géochronologie. Par exemple, vous avez, au nord-ouest, Lucio de Henares, où était le lit du Guadalquivir au Xe et au XIe siècle. Et je signale au passage, c'est une parenthèse, le carré rouge que vous avez, c'est un sanctuaire où on a trouvé plus de 16 000 ex-voto marins entre 500 et 200 avant Jésus-Christ, presque tous en provenance de la Méditerranée, d'Italie, avec des pièces étrusques, grecques, égyptiennes, etc. Et ça n'a pas été encore vraiment étudié, mais c'est un site majeur pour le commerce maritime entre la Méditerranée et l'Atlantique. Voilà, je passe rapidement. Voilà, d'autres images où vous avez des différents cordons qui ont pu être datés au carbone 14. Alors, vous avez vu, ce qui est le plus intéressant, c'est celle de droite, où vous avez des datations du 10e, 9e siècle, 10e siècle, de ces cordons, qui ont permis, parce que ces cordons n'ont pu se former qu'avec la position de l'estuaire d'un cours juste en bordure. Hein. Sinon, ce serait impossible d'avoir ce type de formation. Alors, dans la période moderne, là, vous avez un plan ancien du Guadalquivir en 1720, et en bas actuellement. Et vous voyez les changements importants qu'il y a eu du cours du Guadalquivir avant qu'il arrive à son embouchure, puisqu'il y a une réduction de la distance avec un cours artificiel, la suppression des bras latéraux. Hein, voilà. Donc, un fort changement qui ont conduit à des changements aussi au niveau de la sédimentation. Alors, la broie de Sanlúcar, est appelée ainsi parce que l'embouchure forme un entonnoir. Vous avez là. Cet entonnoir s'est rétréci au cours des derniers siècles. Alors là, je vais d'abord présenter un peu l'étude des rives de cette broie de Sanlúcar, où se trouve la barre de Sanlúcar. Alors ici, vous avez une vue aérienne oblique. Et vous avez à droite, par exemple, la ville de Sanlúcar de Barrameda. Et vous avez 1100 mètres, c'est la distance qui a été comblée par les sables. Parce qu'avant, il y avait une ancienne anse avec une falaise médiévale, et tout ça s'était comblé. Donc ça réduit la géométrie de cette broie. Et à gauche aussi, la Punta de Malandar, également, il y a une forte dynamique avec des apports de sable que nous allons voir après. Pour étudier cette évolution, nous avons une échographie importante. Par exemple, là je ne présente que une ou deux, c'est tout. La vue de Sanlúcar de Barrameda qui a été faite par le flamand Anton van Wingaard en 1567, qui est extrêmement précise, qui permet de voir le trait de côte en 1567. Et j'ai mis aussi le trait de côte en 1500. Entre les deux, c'est la zone qui s'est ensablée et qui a été aménagée en créant une ville, nouvelle ville, au XVIe siècle. Là, je ne dis pas tout etc., mais ce qui est important de voir dans le témoignage que j'ai traduit, et pour ma part, depuis 18 ans, j'ai vu de nombreuses et belles demeures et de vastes rues, là où la mer baignait, recouvrait le terrain. J'ai synthétisé cette évolution à partir d'une photographie aérienne de 1156. Vous avez en jaune la falaise médiévale. En bleu, vous avez les deux lignes de rivage, une du milieu du XVIe siècle, 1550, et l'autre de 1750. Et vous voyez toute l'évolution qu'il y a eu dans avec le complément de cette anse. Et qui a conduit au déplacement, par exemple, du mouillage des navires plus au nord vers Bonanza à la fin du XVIIe siècle. Et en rouge, vous avez des hauts fonds qui sont maintenant sous la plage actuelle de Sanlúcar. Et à gauche, vous voyez la Punta de Espíritu Santo qui, elle, au contraire, a été érodée. Vous voyez, c'est la pointe avant qu'elle soit urbanisée. On est passé d'une anse marine, vous voyez la falaise médiévale là, à un littoral totalement rectiligne, une régularisation du rivage. Alors, sur cette pointe, par exemple, vous avez les effets de l'érosion. Dans le carré rouge, vous avez la fortification, le château de 1588, qui est déjà à moitié tombé, érodé, et le nouveau fort qu'on veut construire pour le remplacer, plus en retrait. Une carte postale montrant en 1900, celui qui a été reconstruit en 1756 est déjà presque tombé. Et actuellement, tout est tombé, il n'y a plus rien. voyez, à cause de l'érosion de cette pointe. Plus au nord, du côté de la même rive, au nord de Sanlúcar, vous avez Bonanza. Là, il y a une stabilité dans l'évolution, puisqu'on a le château de San Salvador, construit en 1627 pour contrôler le chenal d'axe de la barre, hein, et Bonanza, qui était le mouillage des flottes des Indes. Par contre, sur le côté nord, on a également une forte accumulation de sable, puisqu'on a des tours vigies, des tours Almendara de la fin du XVIe siècle, dont la tour de San Francisco, qui se trouve maintenant à 900 mètres de la plage, alors qu'elle était auparavant en bordure même de la mer. Et cette accumulation latérale a même recouvert de hauts fonds rocheux du placer del Cabo, qui sont maintenant fossilisés. Par contre, juste en face de Sanlúcar, on a une érosion des pointes des cordons sableux, qui ont fait disparaître une tour vigie du XVIIIe siècle, la côte de San Fernando. Ce qu'il faut comprendre pour étudier la barre, c'est qu'il y a une forte dynamique de la côte, qui est, alors, sur cette carte que j'avais réalisée, vous avez la dynamique, il existe une dérive littorale, c'est-à-dire que par rapport à la houle, il y a un transfert des sédiments du nord-ouest vers le sud-est. Et ces transferts, ça va s'achever à l'embouchure du Guadalquivir. Alors, il y avait des chiffres, vous voyez, par exemple, des photos aériennes, vous voyez la progression des sables qui existent, avec la flèche rouge, le sens. On a 300 000 mètres cubes par an, mais vers l'embouchure, ça se réduit à 10 000 mètres cubes parce qu'on arrive à un endroit, il y a un changement des directions par rapport à l'ubiquité de la houle, et il y a donc un dépôt de sédiments sableux. Alors, c'est la même chose, là, vous avez les flèches, et le cercle rouge montre l'endroit où les sables se déposent, juste à l'embouchure du Guadalquivir. C'est ce qui va former la barre externe ou sédimentaire que nous allons voir après. Il y a un autre facteur aussi qui joue, c'est un fleuve, aussi il y a des apports fluviaux avec des crues, donc il y a des panaches de turbidité, là avec des gradients de matière en suspension, là j'ai fait des cartes mais je ne les présente pas ici, et avec une tendance à ce que ces turbidités se dirigent vers le nord-ouest. Et donc la barre est donc invisible, là, il n'y a aucune visibilité à ce moment-là. Et il y a aussi le facteur de la marée. Parce que nous sommes dans l'estuaire de la Loire, l'estuaire du Guadalquivir, pardon. Bon, on a un marnage à peu près de 3,70 m moyen. Et il y a des courants de marée qui sont dans le sens contraire à l'aiguillement dans le golfe de Cadix, donc qui viennent comme ça, et qui rentrent dans l'embouchure du Guadalquivir. Et il y a un seuil rocheux, la barre rocheuse, qui est un obstacle pour ces courants. Alors je vais pas, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, mais qui vont dévier les courants, qui vont réduire la masse d'eau qui pénètre dans l'estuaire, etc. Et donc pour la navigation, ces courants ont joué un rôle majeur et rendu des conditions très difficiles. Toute cette information, je l'avais synthétisée sur cette carte qui représente l'évolution des rives et les différents éléments de la barre que nous allons voir après. Avec les chenaux, etc. Voilà. Et vous avez les chenaux des rivages, les érosions, etc. Voilà, de la barre. Morphologie de la barre. Alors, l'analyse de la forme des types de fonds permet de distinguer deux éléments dans la barre. Ce qu'on avait dit avant, la barre rocheuse ou interne, parce que c'est sa position orientale, qui est disposée en épi entre les Punta d'Espirito Santo et de Malandar, et qui est soumise à l'action directe des courants de marée et fluviaux, et qui est marquée au nord par une étroite dépression qui est le canal de la Barra. En partie recouvert par les sables de plage. Bon. Et ces hauts fonds rocheux sont constitués par des grès coquillés et du quaternaire, du Piocène supérieur à quaternaire, qu'on appelle la Piedra Ostionera, hein, en partie. Bon. Voilà. Alors, l'élément plus caractéristique, c'est la Restinga del Muelle, que vous avez ici, voyez, ici, qui barre un peu, transversale, l'embouchure, hein. Voilà. Alors parfois on a des fonds donc qui font il y a des hauts fonds rocheux qui sont presque affleurants et d'autres à très peu de profondeur. Je peux pas développer. À 2000 à l'ouest de cette barre interne, entre les pointes du Cabo et au nord et de Punta de Montijo, vous avez la barre externe sédimentaire ou externe, c'est-à-dire c'est une barre rocheuse aussi mais qui est alimentée en sable par cette dérive littorale. Vous avez vu la barre externe. Avec les éléments les plus caractéristiques, ils sont célèbres pour les navigateurs, c'est le Juan Pool et le Juan Pool Norte, à même pas 10 cm de profondeur et 2,70 m de profondeur, hein, qui étaient des dangers importants pour la navigation. Alors, dans cette barre rocheuse sédimentaire, vous avez des chenaux, des canales. Alors, il y en avait trois. Vous avez vu que, par exemple, là, vous avez un chenal qui se réunit à un autre, au chenal principal, et un autre ici, et qui n'en forme plus qu'un après, vous voyez, pour le franchissement. Ce chenal-là a disparu au XVIIe siècle, et celui-là au XVIIIe siècle. Hein. Voilà. Et alors, le chenal de la Barra avait parfois 30 mètres seulement de largeur, à 112 mètres, ce qui fait qu'il n'y avait que trois bateaux qui pouvaient passer côte à côte dans ce chenal. Et il a gardé son tracé, le chenal principal a gardé son tracé jusqu'à les années 70. Alors là, je ne vais pas expliquer, mais il y a eu des sondages qui ont été faits à trois périodes, en 1666, 1602, 1720, qui nous donnent des renseignements sur les profondeurs dans le chenal. Mais parfois, c'est fait à pleine mer, parfois à basse mer, donc il faut relativiser ça. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la plus belle profondeur dans le chenal, en période de basse mer, est comprise entre 5 mètres et 5 mètres 46, alors que nous allons voir que les tirants d'eau des navires de la flotte des Indes, parfois, étaient de 5-6 mètres. Donc, il ne fallait pas qu'ils se trouvent en basse mer dans le chenal principal. Le chenal nord, qu'on appelle le chenal des Los Ingleses, des Anglais, peut-être parce que les Anglais attendaient les navires qui ne pouvaient pas rentrer pour les attaquer, ce qui arrivait à nombreuses fois. Bon, et maintenant, sous la plage en face de Sanlúcar de Barrameda, dans le coteau de Doñana. Donc, il faudrait faire de l'archéologie, non pas sous-marine, mais sous les sédiments sableux de la plage pour trouver des épaves. Alors, à cause de la situation de la contrastation à Séville, les flottes des Indes étaient obligées de franchir la barre de Sanlúcar et remonter le Guadalquivir jusqu'à Séville. Donc c'est ce qui explique les difficultés du franchissement, parce que c'est d'avoir cette obligation administrative, politique, et qui a duré jusqu'au début du XVIIIe siècle, lorsque la Casa de Contracción s'est transférée à Cadix, même si avant une partie des navires allait à Cadix. Les flottes qui, alors une des difficultés, c'est que les flottes qui arrivaient étaient composées de 15 à 18 navires parfois, et c'était pas un seul navire qui franchissait, c'était en convoi. Et c'est ce qui rendait très difficile le franchissement de la barre. Alors je signale par exemple qu'entre 1760 et 1700, il y a 104 flottes de la Nouvelle-Espagne, du Mexique, hein, qui ont fait l'aller-retour entre l'Espagne et Veracruz, par exemple. Donc, vous voyez le nombre de flottes qui ont dû s'affronter à cette barre. Alors, la barre, donc, était très difficile à franchir. Alors, il fallait toute une série de conditions, à la fois climatiques et hydrologiques, pour franchir cet obstacle. Entre les mouillages des Pozos de Chipenac qui étaient à l'extérieur, il y avait deux mouillages. Bon, et Bonanza, que vous avez vu, qui était au nord. Il fallait parfois attendre plusieurs semaines que des conditions favorables soient réunies. Alors, comme je l'ai écrit, il est aussi difficile à un navigateur de franchir cet obstacle qu'à un alpiniste de passer un col de haute montagne. Le difficile franchissement de la barre, les conditions hydrologiques. Alors, les flottes pouvaient franchir la barre durant les quelques heures précédant la pleine mer de Vibzo. Un rapport de 1602 admet que le premier tiers de la marée montante, les navires de plus de 4 mètres 48 de tirant d'eau ne peuvent pas passer. Vous voyez, donc il y a, en fonction de la hauteur de la marée, il fallait des hauteurs de marée suffisantes pour que certains bateaux puissent passer la barre. Hein? Voilà. La plupart des navires avaient un tirant d'eau de 5-6 mètres, vous voyez. Alors tout bateau immobilisé dans le chenal courait le risque de s'échouer avec l'arrivée de la basse mer. Un tel danger a été accru parce que le fait que dans la plupart des cas, comme je disais, c'était des navires qui étaient en convoi, qui devaient, avec des intervalles entre eux, et puis avec une faible vitesse. En plus, il fallait un temps clair, sans brume et sans pluie, pour opérer les trois changements de direction nécessaires dans un chenal étroit. Trois changements. Alors, il y avait des signaux sur les rives pour aider les navires, servir de repère aux navires. Quand il y avait des fois des sorties la nuit, on utilisait des signaux lumineux, etc. Alors, l'entrée était plus facile que la sortie et était réalisée surtout en hiver, au cours de la première époque de la carrière, mais ensuite déconseillée à cause des tempêtes de vent sud-ouest, des vents d'Avalès, qui faisaient rompre les vagues sur les barreaux et provoquaient des dérives. Plus tard, les flottes des Indes arrivaient avec le beau temps. Alors, il y avait donc, comme c'était des navires à voile, les vents avaient une importance capitale dans le franchissement de la barre. Et c'est ça qui empêchait parfois de immobiliser les navires pendant longtemps. Alors parce qu'il y avait, des vents qui étaient favorables pour entrer, des vents favorables pour sortir, plus la brise de mer et la brise de terre qui se rajoutaient à ça. Bon, et alors quand les bateaux étaient immobilisés à l'extérieur, il y avait les attaques de pirates aussi, hein, notamment dans les deux mouillages pour se discipliner avec la Garquella. Alors la sortie était plus difficile que l'entrée, parce qu'il fallait avoir des vents d'est, hein, des ventées, et s'affrontant à des courants contraires de la marée montante, parfois. Si le vent faiblissait, le navire était contraint de mouiller dans le chenal avec tous les risques d'accident courus. Si le vent faiblissait, il fallait jeter l'ancre au milieu du chenal, et avec un risque d'échouage très grand. Alors il y a des cas de navires, là je signale, de Saint-Martin en 1507, trois galères venues remorquer de Cadix, les navires de la flotte des Indes, etc. Voilà tout ça. Alors à tel point, la barre a eu, les difficultés étaient telles par rapport à cause des tirants d'eau surtout, que cela a eu une influence sur l'architecture navale. Hein, parce qu'au cours de cette période, par exemple, alors je signale que, parce que au cours de la période concernée, là, le tonnage unitaire moyen des navires à la carrière se multiplia par 7,5. Et l'administration demanda donc d'adapter leur construction aux conditions du franchissement de la barre. Une limite de 550 tonneaux est établie en 1628, mais n'a pas été très peu respectée à cause des conflits des maritimes. Voilà. Donc, vous voyez l'importance de la barre sur l'architecture navale. Alors, pour trouver des solutions, mais qui ont tous échoué ou n'ont pas été réalisés. La première, c'était de faire une nouvelle embouchure artificielle dans un autre fleuve, le Guadalete, en utilisant des anciens étiers qui avaient du Guadalquivir sur la rive gauche et en faisant un canal pour unir ça avec le Guadalete. Mais ce projet a été il est reconnaissant du terrain en 1617, mais ça n'a jamais été réalisé. Et en plus, il y avait des rivalités entre le duc de Minas Sidonia qui contrôlait Sanlúcar et la Barre, et celui de Minas Eli qui contrôlait Puerto Santa Maria où allait aboutir le canal. Et il y a eu d'autres aménagements d'embouture existantes en 1640. Seulement, on a une mention, et en 1688 que vous allez voir après. Voilà. Alors, les aménagements de 1688, alors vous avez ici la Restinga del Muelle, que vous avez là, ici, ou cela, bon, qui barrait une grande partie de l'embouchure. Et donc, il y a eu un projet pour faire un mur, afin de concentrer le courant dans l'espace réduit qui restait, et ainsi approfondir le courant, si les terrains étaient meubles, naturellement, hein. Alors, les conséquences ont été empirement de la situation antérieure, courant plus rapide et se déviant vers la rive opposée, aucun approfondissement du fond du chenal. Donc, c'est un échec total. Et la digue a été progressivement détruite par la mer, comme elle était construite en matériaux meubles. Alors, ça a duré jusqu'à 1747. Après, il n'y en a plus. Vous voyez la digue qui a été construite, là, qui barrait totalement l'estuaire, et avec le chenal de la baraque que vous avez au nord, qui est là, qui est dans sa partie unique. Alors, les conséquences des difficultés du franchissement. Ça a été de nombreux naufrages. Alors, c'est un des points les plus dangereux de la carrière des Indias entre l'Espagne et le Nouveau Monde. Et la barre s'est transformée en un véritable cimetière d'épaves. Alors, et c'était même que ces naufrages étaient même plus nombreux que ceux de Cuba, et Banatsa et Veracruz, hein, Bahamas ou Golfe du Mexique. Et ça représentait à peu près 9% des accidents et 10% du tonnage perdu. Vous allez voir entre les dates 1550-1650, hein. Et peut-être que cela a justifié en partie le déplacement de la Casa de Contratación de Séville à Cadix. Même si à Cadix, il y a eu de très nombreux naufrages aussi, parce qu'il y avait des dangers à l'arrivée. Sur cette carte qui a été traitée de Chenu, que j'ai refaite, vous avez le trajet que faisaient les flottes des Indes à l'aller et au retour. Et vous voyez que le point pour l'Andalousie est très important pour le naufrage, c'est entre 1550 et 1650. Alors là, c'est simplement pour montrer, là j'ai fait un inventaire des principaux naufrages dans la barre de Sanlúcar entre 1525 et 1707, avec l'année, le nom, les types, le tonnage, le lieu et les causes, notamment si c'était à l'entrée ou à la sortie. Voilà, et qui vous montre, et ça c'est qu'une partie pour cette période, hein. Vous voyez un peu les conséquences de le fait d'avoir l'obligation de franchir cette barre. Alors, il a été question de faire un canal latérale du Guadalquivir. Et le promoteur du projet, pour justifier la nécessité de ce canal, a fait une étude sur les naufrages de la barre. Et ainsi, nous avons des listes de 218 naufrages pour la période postérieure au déplacement de la concentration à Cadix, hein, entre 1740 et 1854, entre le 14 juillet 1780, pardon, non, non, 14 juillet 1780, je me suis trompé, 31-12-1554. Non, je me suis trompé avec la date. Bon, donc vous avez toute cette liste, là je vous montre un peu, etc., alors qui donne tous les détails, la date, le type de bateau, le tonnage, les nations, le nom du bateau, le nom du capitaine, le chargement, l'origine, etc., l'accident, le lieu d'échouage, le temps qu'il y avait, les pertes et tout ça, et bon, tout, voilà. Vous avez tout ça pour 218 naufrages pour une période postérieure à la Cara de Indias, pour ainsi dire, hein. Voilà. Sur la barre de Saint-Lucar. Là, j'ai montré à droite, j'ai fait un petit tableau comme ça, qui, sur les périodes, c'était entre 1540, pardon, et 1854, voilà les deux périodes, avec les noms des hauts fonds rocheux ou des zones qui sont indiquées pour savoir quels sont les endroits les plus dangereux. Alors, vous avez par exemple la Piedra de Masal Medina qui était extérieure en face de Chipiona. Vous avez quand même 36 naufrages pour cette période. Et là, vous avez à gauche, c'était la représentation d'un naufrage d'une Nuestra Señora de la Piedra et Santiago en 1707 et qui, elle, s'est échouée. Et alors, je voulais signaler simplement qu'à Sanlúcar de Barrameda, il y avait des plongeurs pour récupérer les épaves. Hein, il y avait toute une compagnie de plongeurs qui dépendait du roi, etc. Voilà, avec les techniques. Voilà. Bon, alors, je vais bientôt terminer. Tous ces dangers ont en partie été atténués avec l'apparition de la navigation à vapeur. Puisque là, il n'y avait plus nécessité des vents, etc. Surtout le problème des vents. Voilà. Qui est apparu, le premier vapeur a été construit vers 1819 à Séville, mais c'était au milieu du vers 1840, etc. Bon, vous avez des bateaux à vapeur. Je vous ai présenté là. Le chenal de la Barra, unique, hein, est resté jusque dans les années du milieu du XXe siècle. Là, vous avez sur une ancienne carte postale l'entrée de l'Aria de Guadalquivir, avec toutes les balises qui étaient pour rentrer. Et c'est en... Alors, le résultat de cette évolution, c'est le tracé en orange que vous avez ici, qui est le chenal artificiel qui a été fait dans la barre de Saint-Lucar, avec déroquetage, hein, pour l'accès au navire. Et vous voyez que tous les anciens chenaux ont été abandonnés et sont maintenant... aucune coïncidence. Voilà sur une carte marine, vous voyez le caractère rectiligne de ce chenal de navigation, qui est totalement artificiel. Alors, l'actuel chenal de navigation, le canal del Sur, s'étire de manière rectiligne entre les Barros Galoneras et la Receta de Cambrai. Hein. Son creusement entrepris en 1951 s'achevait en 1967 et obligea de déroquer une partie de la Restinga del Muelle, qu'on avait vu tout à l'heure. En 65, on draga plus de 5 millions de mètres cubes afin d'élargir à 100 mètres sur 4,37 km de longueur. Le canal était prévu pour un tirant de 6,40 m. En 71, on le prolongea de 2 mètres, plus de 2 km vers l'ouest-sud-ouest et sa largeur fut portée à 160 mètres. Et il y a une prévision d'avoir des tirants d'eau de 8,50 m pour l'accès des bateaux à Séville. Le trafic annuel, j'ai marqué, du port de Séville est d'environ 4 millions de tonnes. Voilà. Voilà, j'arrive au terme de cette évolution parce que j'ai été rapide. Hein. Bon, alors merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Muchas gracias al doctor Menantó por su interesantísima comunicación y excelentemente documentada. Creo que vamos a hacer un turno de preguntas después de cada intervención, como comentamos ayer. Así que le cedo la palabra al público para que formulen sus preguntas a la comunicación del doctor Menantó. ¿Una cuestión? Volevo chiedere in che maniera, diciamo, l'evoluzione della barra è influenzata dal trasporto solido del Guadalquivir a monte. De quelle manière l'évolution de la barra a été influencée par le trafic maritime en amont, de sédiments, solidos et sédiments, en amont? C'est-à-dire effectivement oui, c'est, le c'est, fleuve, c'est le fleuve. Les apports vaseux de oui, les apports de l'estuaire. Bon, une part. Ce qui se passe en amont, parce que le Tibre effectivement, il sédimente énormément parce qu'il arrache. Je sais pas. Oui, alors il arrache beaucoup de choses et il sédimente. Oui, oui. Il faut savoir que là c'est un cas particulier puisque entre Séville, hein, et puis l'embouchure, vous avez toute cette dépression des marismas del Guadalquivir. Et c'est cette partie qui a sédimenté. Au départ, il y a des anciens deltas sans doute au sud des Séville, qui sont sous les marais, et donc c'est surtout cette immense dépression qui a reçu tous les sédiments de l'amont. Et maintenant, l'embouchure est très réduite, et donc il y a une expulsion de quand il y a des crues de sédiments vaseux, mais auparavant, c'était toute cette surface de plus de 120 000 hectares qui a été concerné par la sédimentation de l'amont. Et donc, il y a eu des dépôts on a des calculs, on sait que plusieurs, 5-6 mètres depuis l'époque antique, au moins, hein, à certains endroits, ça dépend de sédiments dans toute la plaine alluviale, des marismas des Guadalquivir. C'est la lagune côtière qui a été colmatée. Sí, yo quería comentar simplemente si no cree que una de las singularidades del delta del Guadalquivir es precisamente la salida al Atlántico, desde mi desconocimiento, pero creo que la naturaleza del océano Atlántico, con toda la suerte de corrientes, etcétera, hace que los deltas que desembocan en él sean muy diferentes a, por ejemplo, los deltas que desembocan en el Mediterráneo. No sé si por la forma de en la que se depositan los sedimentos en el delta, por la forma de las corrientes, de las mareas. Sí, todas las corrientes de marea, que tuvieron mucha influencia en la dinámica costera. Costera atlántica. Pero el delta, para mí, es interno. Lo que se decía antes, es un delta interno. Y yo quería preguntar una cosa. Sí, sí. Bueno, quisiera presentarme en primer lugar. Soy Emilio Martín, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Y quisiera preguntarle, la exposición me ha parecido muy interesante, obviamente, y quisiera preguntarle, yo esta tarde hablaré de ello un poquito más, la relación existente en toda la zona de marismas del Bajo Guadalquivir entre las comunidades no solamente urbanas, sino también campesinas, y el aprovechamiento de esos recursos existentes en las marismas, de todo lo que es el bajo Guadalquivir, que me parece que es un tema muy interesante, que me parece también que es un tema que enlaza bien un poco con la filosofía del Congreso, sobre todo pensando quizá la época que más me interesa a mí, ¿no?, al siglo XIII, al XIV, el XV, ese aprovechamiento de las marismas, de las salinas, por ejemplo, que pudiesen existir, si pudiese comentar algo, pudiese decir algo sobre el particular, aunque sea con brevedad, Gracias. Para la época medieval. Sí, siglo XIII, XIV, XV. Bueno, voilà, el primer problema para esta época es la influencia de la marea. Y una parte de la parte más sur de las marismas tenía influencia mareal. Y había sumersión mareal. Y se conoce esto porque, por ejemplo, había molinos de marea, al norte de Sanlúcar subiendo, etcétera, y ahora no podía haber influencia mareal. Y había salinas, te dice que las salinas había salinas más al norte que ahora, por ejemplo, a causa de esta influencia mareal. En el sitio de Alventus, por ejemplo, había salinas y un molino de marea. Así que lo que se puede decir. Y el resto de... Pero en esta época también no había transformación de las marismas. Porque la transformación del siglo empezó un poco, toda la transformación a final del siglo XVIII, pero sobre todo es final del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando desecaron la marisma para hacer cultivos de arrozales, además todas las obras hidráulicas del Guadalquivir. Pero antes, en esta época, no había esta transformación. Había todos los brazos tenían un papel importante, por ejemplo, para la marea. Y ahora no existe nada de esto, es solamente un cauce artificial, rectilíneo y artificial, que cruza la llanura. Y había aprovechamiento de la vegetación a l'Ofila, hein, al Marco Salado, etc., para hacer carbón, hacer, había toda una actividad que ganado, todo el ganado, etc., que ahora no existe como tal, hein, muy poco. Jacques Rossiot, s'il vous plaît, avez-vous trace d'avant-ports, disons de ports de bar, qui, à l'amont immédiat et à l'aval immédiat de la difficulté naturelle, permettent aux flottes qui sortent ou qui sont ascendantes d'attendre le moment favorable? C'était le cas sur d'autres, dans d'autres deltas, sur d'autres deltas, c'était le cas, par exemple, sur les gros des étangs ou sur les gros du Rhône. Il y avait une estaque amont sur les plaines, hein, c'est-à-dire la descente régulière vers le fleuve, et à l'aval, dans les conques. Oui, alors, dans le cas du Guadalquivir, il y avait des mouillages, que vous appelez des estaques. Oui, il y en avait en amont, c'était à Bonanza. Oui. Vous avez vu tout à l'heure. Et c'est là que les flottes attendaient. Et là, vous avez des traces, quand même. Des traces matérielles. Non. L'avant-port, c'était San Lucar de Barrameda, comme ville hein, oui. historique. Mais c'était des mouillages, alors... Sans rien d'autre, sans chapelle, par exemple. Si, il y avait une chapelle à Bonanza. Ouais. Mais l'ancienne, je la connais pas, moi. Hein. Mais il devait y avoir une chapelle, oui. D'accord. Et là, par exemple, les flottes, je vous signale le cas d'une flotte en 1630, qui a été obligée d'attendre à ce mouillage 3 mois et demi avant de sortir. Oui, l'aviation est différente. Oui, et après, il y avait des mouillages à l'extérieur, là-bas. Mais c'était dangereux. Hein. Et parfois, entre ces deux mouillages, parfois, il fallait alléger les navires. Voilà, oui. Les flottes qui arrivaient, on déchargeait sur la plage et on transportait, par exemple, les lingots d'argent, au mouillage de Bonanza. Et dans l'autre côté, pareil, on enlevait l'artillerie, on la transportait à terre pour après la remettre sur l'autre mouillage. Bonjour, je me présente Claude Vella, ex-Marseille Université. Merci pour cette présentation concentrée, riche, beaucoup de données, etc. derrière que vous n'avez pas pu tout montrer. Moi, j'aurais une question sur qui concerne pas tout à fait la période que vous avez présentée, mais sur la période antique. J'imagine que l'on connaît qu'il y a quelques éléments quand même sur le rivage. Vous avez parlé d'un sanctuaire marin, et donc ce qui m'interpelle, moi, en tant que géomorphologue, c'est cette évolution, à mon échelle assez rapide, entre un delta moderne, un estuaire complètement colmaté, quasiment colmaté, avec un chenal et des flèches sableuses, qui sont très très classiques, hein, c'est un estuaire très très classique, qui barre cette embouchure. Mais il y a une transformation majeure, sédimentairement, en moins de 2000 ans. Et ça interpelle le géomorphologue que je suis. Et comment expliquer et comment mes collègues géomorphologues, parce que je sais qu'il y a de très nombreuses études géomorphologiques dans cette baie, comment interprète-t-il ce changement majeur sédimentaire? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Peut-être vous l'avez. Ouais. Il y a une des causes, c'est la fermeture de la lagune côtière, puisque avant il y avait des passes. Avant c'était une baie marine. Puis après il y a eu des ces îles barrières viennent de la dynamique qui est plus à l'ouest, hein, rien à voir avec et donc ces passes se sont fermées et ça a accentué le colmatage de la lagune, mais aussi des causes aussi de l'exploitation des minières, vous voyez, des minières avec le déboisement, tout ça dans le bassin versant. Il y a d'autres causes aussi pour la sédimentation dans les marais du Guadalquivir. Mais au nord, tout près de Sanlúcar, vous avez le sanctuaire, vous avez une ville portuaire qui est signalée par les ordres antiques, qui s'appelle Ébora, qui est ibéro-romaine, et qui est actuellement... vous avez cette flèche de l'Algueda qui est nord-sud, qui barre l'accès à ce port, parce qu'avant, il y avait une communication par la mer. Et sur toute la bordure des marais de Guadalquivir, vous avez de nombreux ports d'époque antique. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez Ébora, vous avez Conubaria, vous avez Nabrissa, vous avez Astaregia, vous avez Oripo, etc., etc., et j'en passe. Tout ça, c'était des villes, des cités portuaires romaines, et parfois antérieures. Hein. Et peut-être même des ports d'époque arabe, musulmanes, par exemple à Alventus, dans la zone qui est pas très loin de l'embouchure. Donc il y avait une navigation très importante dans cette partie, mais c'est pas mon sujet. Je le connais, mais je peux pas le traiter ici. Et bonjour, mon nom est Arthur de Grau, je suis ingénieur maritime, donc je rejoins un petit peu la question de Claude Vella. Je suis interpellé de la même façon que lui. Est-ce que vous pourriez nous repasser une des premières images que vous avez montrées, sur laquelle vous avez situé ce site antique, pour qu'on essaye de comprendre? Je ne veux pas non plus, effectivement, ce n'est pas l'objet de votre présentation, pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais comprendre mieux l'évolution sédimentologique. On voit 300 000 mètres cubes de dérive littorale, vous avez dit. Oui. On y ajoute sans doute des apports solides du fleuve qui doivent être très importants. Bon, et tout alors, ça fait que cette lagune s'est remplie sur les 2000 années. C'est bien ça? Ici, là se trouve le sanctuaire, ici, vous voyez? Oui, d'accord. Voilà. Et là, vous avez une ville portuaire ibéro-romaine, avec port. D'accord. Et ça, cette zone en jaune sur votre image, ça existait? Ça, flèche de sable. Tout ça, tout ce qui est en jaune, c'est du sable. C'est une flèche très ancienne. Oui. Enfin. Oui, et là, on peut penser que la partie là, c'est une île. Et donc la partie ici a été érodée par l'installation de l'embouchure de Guadalquivir, là. Vous voyez? Parce que vous avez des cordons ici qui doivent continuer comme ça, vous voyez? Tout ça, vous voyez, ces cordons-là, c'est de 175 à du 2e siècle au 8e siècle. Ça a été créé. D'accord. On y voit un peu plus clair. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, vous voyez, ce chenal-là, en fait, c'est à la même largeur que le Guadalquivir. C'est un grand chenal de marais qui devait être en rapport avec le port antique. Et puis, avec une ouverture ici, là, dans cette partie-là. Une dernière question? Alors, c'est moi qui vais la poser. Non, d'abord pour vous remercier, parce que vraiment, c'est une très belle communication. Ce que vous nous montrez, les listes des bateaux échoués avec leur cargaison, ça fait rêver. Hein. Enfin, ça fait rêver pour l'Antiquité. On n'a pas ça. Mais ce que je voulais vous demander, c'est à l'heure actuelle, ce chenal qui est complètement artificiel, dont il est question qu'il soit encore approfondi, et ce passage de bateaux, de gros navires de commerce, est-ce qu'on peut prévoir quelles conséquences ça a sur une évolution qui semble encore en cours? Parce que il n'y a pas de raison que l'évolution qu'on a vue, qui moi aussi, même pas géomorphologue, ça m'a vraiment, on est saisi de la rapidité des évolutions. Est-ce qu'il y a une conscience et il y a une prise en compte du problème, ou en tout cas de la question que peut poser ce trafic maritime sur l'évolution du milieu? Moi, je pense que c'est un sujet qui a été très peu abordé pour l'instant. Bon, l'évolution continue naturellement, et puis même maintenant avec l'érosion côtière. Bon, il y a l'érosion côtière qui continue sur toute la rive sud, les falaises, tout ça, ça recule. Bon, c'est une érosion généralisée. Les apports de sable qui peuvent diminuer, parce que à l'ouest on a fait des travaux, on a fait des digues, on a fait des il y a eu aussi des barrages sur les fleuves à l'ouest, par exemple le Rio Tinto, d'autres fleuves, le Guadiana, etc., qui font que les apports de sédiments à la mer sont moins importants, donc il y a une érosion plus importante de la côte. Donc il y a des changements au niveau des transports sédimentaires. Là, alors, l'approfondissement du chenal, il peut falloir avoir des études d'impact. Hein. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que cette zone-là a un intérêt patrimonial majeur, mais encore, pour ainsi dire, rien n'a été fait sur cette zone au niveau archéologique. Parce que, comme dans toutes les embouchures, les archéologues cherchent une épave donnée. Alors là, on peut pas le faire. Il s'agit d'un ensemble d'épaves de toutes sortes qui sont réunies là. Il ne faut pas chercher une épave, il faut étudier la zone. Et avec des conditions difficiles, vous voyez, par exemple de visibilité quand il y a des turbidités, dépôts de vase, dépôts de sable et tout ça, ce qui rend très difficile. Mais il y a une richesse énorme qui est enfouie sous cette embouchure. Justement, tous ces travaux d'approfondissement récents, obligatoirement, ils ont détruit des épaves, même si c'est pas exactement dans le chenal où ça il y a eu, est-ce qu'il y a eu un travail sur la récupération des sédiments au moment des dragages, non, où tout est clapé et jeté directement en mer, sans qu'un archéologue jette un œil au moins sur les sédiments? Il n'y a pas eu ça, mais quand il y a eu des dragages, par exemple, les premiers dragages qu'on s'est rejetés, il y a des choses qu'on s'est retrouvées, et qu'on trouve même dans des bars, à Saint-Lucar de Barrameda, Barco de Liga, par exemple. Oui, c'est ça. Et on peut trouver, par exemple, des choses antiques au-dessus de choses plus récentes, puisque c'est des dragages qui ont été remis profonds, qui ont été remis par-dessus. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación de la profesora Isabel Bestué Cardiel, de la Universidad de Granada. Los proyectos de navegabilidad del Guadalquivir. Tuvimos un pequeño problema técnico esta mañana, tenemos que hacer la instalación, espero que sea rápido, si no podemos seguir con el debate presente de algunos minutos más, pero yo creo que no. De todas maneras, esperamos el año próximo, en nuestro encuentro en Cádiz, poder ver de primera mano este territorio y esta problemática. Será muy muy interesante en Sanlúcar de Barrameda. Y aprofito para hacer una demanda al colega Menantó. la pregunta era, ¿cómo afecta el maremoto de Lisboa a este? No, pues, me parece que no ha puesto ningún ejemplo concreto. ¿Hay alguna consecuencia importante del maremoto de mediados del 18 y una actuación pública u oficial en este punto concreto o no le afecta especialmente? La pregunta es sobre las consecuencias del maremoto tsunami de Cádiz de noviembre de 1755. ¿Sí? Sí. Bueno, que se sabe que hay tres olas y hay olas que subieron el estuario del Guadalquivir. Pero no tengo descripción exacta. Pero seguramente hubo depósitos de arena del fondo sobre la costa. Hubo de afectar a la navegabilidad de los canales, ¿no? Sí, seguramente. Puede haber aporte de arena de alta mar hacia la costa. Del maremoto. El maremoto, sí. Sí. ¿Y se hicieron muchos informes oficiales para valorar las consecuencias del maremoto? Se conocen bien las consecuencias al sur de la boca del Guadalquivir, en Chipiona. En Chipiona. Porque hasta hay cuadros que representan el tsunami. Y sobre el santuario de Regla, que fue medio destruido, etcétera, y la sumersión de la ciudad. Chipiona. Pero el tsunami de 1755 es uno de los múltiples tsunamis que hubo en la historia. En la Edad Media había también un tsunami, y no se conoce bien. La otra cuestión que también me parece interesante, aunque no tiene que ver cronológicamente con su exposición, es el ordenamiento de la desembocadura en época antigua, no solo por el papel del santuario de los Dubia o del puerto Débora, como por el caso Turris Capionis. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar para más adelante.